entrer dans les coulisses de la recherche en histoire de l'art, explorer les parcours, les méthodes, les doutes et les passions de celles et ceux qui font vivre la discipline. Bienvenue dans un espace où le savoir se partage. Bienvenue dans les coulisses de la recherche, un podcast présenté par l'association Athéna. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans les coulisses de la recherche. Pour ce quatrième épisode, je reçois Antonin Moncelet, un étudiant en seconde année du master de recherche. On va discuter de son parcours, de son travail de recherche et des enjeux de son sujet en histoire de l'art. Antonin, merci d'être avec nous. Merci. On est ravis de t'accueillir. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement ton parcours et nous dire sur quoi porte ton sujet de recherche ? Je m'appelle Antonin Moncelet, je suis en deuxième année de master HACM, donc de recherche en histoire de l'art à Nantes Université. Avant ces années de master, j'ai fait une licence d'histoire de l'art aussi ici à la fac à Nantes. Entre la licence et mon master, j'ai fait une année de service civique, une année de césure, qui m'a permis de faire tout autre chose loin de la recherche. C'était de la médiation culturelle dans le Passage Sainte-Croix, qui est un lieu culturel et artistique dans le centre de Nantes. Et j'ai beaucoup travaillé avec les scolaires, avec les petits. Et après ça, donc, j'ai fait une première année de master et maintenant je suis à la deuxième année. Depuis le M1, mon sujet est un sujet autour de l'art politique, figuratif et collectif dans les années 70 en France. Donc c'est relativement récent. Et donc la notion que je travaille le plus autour de ce sujet, c'est la notion de collectif, d'ensemble, d'union des peintres. Je prends comme point de départ mai 68 comme étant un moment pour certains peintres de grande effervescence politique. Voilà, on a des grandes manifestations à Nantes, en France, mais aussi à Nantes, mais beaucoup à Paris, qui explosent et dont les peintres vont s'engager. Ils vont s'engager collectivement, ils vont faire des affiches qui vont être signées collectivement, sans individualité. Chacun crée des affiches, mais on les tamponne sur le nom de l'atelier qui construit les affiches. Et donc, je travaille, c'est après mai 68, comment les artistes dans les années 70 continuent à travailler dans le collectif et dans un art qui est aussi engagé très politiquement. Est-ce que tu pourrais nous parler, en plus de ça, des grands axes que tu abordes pour les personnes qui n'ont pas du tout cette période ni le contexte ? Est-ce que tu peux un peu nous résumer, même mai 68 ? Ouais. En fait, les années 60, c'est déjà une décennie qui est charnière en termes de politique et de politique gauchiste, surtout. On a des différentes puissances qui adoptent le programme communiste, notamment. Et donc, dans plusieurs villes en Europe et dans le monde, il y a des révoltes ou des révolutions qui prennent place. Et à Paris, on a cette tentative de révolution en mai 68, qui explose par les étudiants avec le soutien des ouvriers, fonctionnaires aussi. Donc il y a plusieurs corps de métier qui créent des grandes journées de grève avec 2 millions, 3 millions de grévistes qui mettent un peu la France à l'arrêt. Et donc les années 70 continuent. On parle souvent en histoire, j'ai l'impression qu'après mai 68, il y a un retour à la normale. C'est le terme qui sont utilisés parce que De Gaulle va rester au pouvoir et que l'Assemblée va se droitiser, enfin en tout cas va rester dans le cercle gaulliste. Mais pour autant, en fait, il y a toujours beaucoup de groupes et de partis qui vont militer pour cet idéal communiste. Et donc, c'est dans ça que s'inscrivent mes recherches, puisqu'il y a beaucoup d'artistes sur lesquels je travaille qui adhèrent à ces idées-là, tout simplement, et qui organisent des salons, des lieux artistiques, des événements, qui mêlent des soucis de questions artistiques qu'on se pose au XXe siècle, de support, de rôle de l'art, avec des questions politiques communistes surtout. Ok, dit comme ça, on comprend mieux comme ça ton sujet et tout le monde part sur un pied d'égalité. Et justement, vu que c'est un sujet assez politique, comment est-ce que tu en es venu à travailler là-dessus ? Est-ce que tu voulais dès le départ faire quelque chose de politisé ou en cherchant un peu, t'es tombé sur les salons, etc. Et t'as voulu travailler ou vraiment t'avais une volonté de faire un sujet politique dès le départ ? J'avais pas forcément l'intention de faire un sujet politique, en tout cas en licence, quand je réfléchissais déjà à ce que je pouvais faire en master. J'ai une appétence pour le lien entre art et politique, ça c'est sûr. Je voulais plutôt travailler sur les États-Unis au départ, mais par souci d'accès aux sources, j'ai abandonné. Et finalement, pour mon sujet actuel, en fait, c'est une exposition qui m'a lancé sur ce sujet. En fait, je l'ai trouvé grâce à une exposition qu'il y a eu au Palais de Tokyo en 2022, il me semble. Ou 2023, qui traitait de... le point de départ, c'était la cause palestinienne qui était mentionnée et comment les artistes ont beaucoup travaillé sur ces notions-là au XXe siècle. Et il parlait de plusieurs types de lieux partout dans le monde qui traitaient de la politique et des causes des peuples opprimés, comme au Vietnam ou en Palestine ou en Sud-Afrique, des choses comme ça. Et il parlait du Salon de la Jeune Peinture dans cette exposition, qui est un salon qui est central dans mon sujet, qui est une grosse partie de mon mémoire. Et il le mentionnait avec quelques informations. Et il y avait aussi un livre qui avait été publié, pas en lien, enfin, c'est pas l'exposition qui l'a publié, mais qui existait déjà sur le salon de la jeune peinture, et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Et ensuite, autour de ça, j'ai pu construire avec mon directeur de recherche un sujet qui tournait autour soit du salon de la jeune peinture ou de la peinture figurative politique en général. On sait que les salons, c'est des événements qui ont toujours été centraux dans l'histoire de l'art. En licence, on en parle souvent, mais de manière assez superficielle. Et du coup, ça fait un an maintenant que tu travailles sur ton sujet et du coup plus sur le salon de la jeune peinture, comme tu l'as dit. Est-ce que tu t'attendais à trouver ce que tu as découvert ou est-ce que tu as été surpris par tes recherches de voir ce qui pouvait se passer dans les salons? Ce qui me surprend le plus, mais qui est totalement logique par rapport à ce que j'ai déjà dit avant, c'est que ce salon, il est loin des grands salons qu'on connaît, salons d'automne, tous les salons qu'on étudie en histoire de l'art. C'est un salon qui est comme une parenthèse, en fait, qui s'appelle salon, mais quand dans les années 60 et 70, je trouve, correspond très peu à un salon. Ça ressemble plus à... Ils ont quand même une édition par an avec une exposition qui est présentée chaque année, mais je trouve... Et c'est sur quoi je travaille sur mon sujet, c'est qu'ils vont faire de ce salon tout un regroupement de peintres qui ont les mêmes tendances politiques et artistiques, qui ont les mêmes questionnements, ambitions. Et autour de 1968-1969, ce que j'ai pu lire, c'est que ce salon, il devient presque une grande assemblée générale de plein de mouvements politiques, même pas du tout artistiques, mais des anarchistes, des trotskistes qui vont se retrouver dans ce salon parce qu'ils connaissent un tel et un tel qui y participent. Donc en fait, ce qui est surprenant surtout sur ce salon-là, c'est qu'il a en fait finalement peu la figure d'un salon. Déjà, on ne vend pas d'œuvres au Salon de la Jeune Peinture. On les présente parce qu'elles ont un point commun politique, mais il n'y a pas de vente. Ça serait trop capitaliste de vendre ses œuvres dans un salon comme ça. Et du coup, je m'interroge sur un point. Comment tu gères l'équilibre entre histoire de l'art et sciences humaines? Est-ce que tu as eu peur que ton sujet il soit trop historique, trop politique, trop sociologique et pas assez artistique? Parce que du coup, c'est quand même un master histoire de l'art. Et je sais que c'est un problème que beaucoup d'étudiants en contemporain ont, parce qu'il y a des enjeux, mais... Absolument, et c'est pas trop un gros problème pour moi, puisque ce sujet-là, la question du lien entre politique et artistique, il est très clair, et les artistes le revendiquent complètement, donc j'ai l'impression que l'équilibre se fait assez facilement. Les artistes sur lesquels je travaille réfléchissent la question artistique, d'un point de vue surtout théorique, en le mêlant à leurs revendications politiques, donc eux-mêmes, ils font la balance dans leur écrit, ce qui permet, moi, de pas trop tomber dans le queue du politique et pas trop tomber dans trop d'artistique alors que je devrais parler de politique. Ce qu'on a pu, par contre, me reprocher à la soutenance de M1, c'est que c'était un sujet qui était très engagé. Je dis un reproche, mais on l'a plutôt souligné plus que reproché, dans le sens où j'ai vraiment essayé de faire un premier mémoire très objectif. J'avais pas envie d'en faire un manifeste ou quoi que ce soit, parce que c'est même pas mon but, et des fois, ce que racontent les artistes, j'y crois pas forcément tout le temps. Enfin, c'est aussi d'autres visions de la politique qu'il y a dans les années 70 que de la politique aujourd'hui. J'en fais pas un manifeste, j'en fais plutôt un corpus de ce qu'à quoi pouvaient ressembler des artistes politiques à l'époque. Mais on m'a quand même dit que ça paraissait quand même engagé. Donc effectivement, ça doit peut-être se ressentir à la lecture. Et tu t'appuies sur quoi? C'est du coup beaucoup des peintures. Est-ce que tu as aussi des photos, des affiches? Enfin, sur quoi tu travailles? Ouais, c'est surtout des. Il y a pas mal de peintures, puisqu'au Salon de la Jeune Peinture, on présente surtout des peintures. Alors, il y a eu certaines éditions où il y a eu d'autres supports, comme des installations, des affiches ou des banderoles. Mais sur certains des peintres sur lesquels je travaille, ils restent quand même très fidèles à la peinture. Même s'ils veulent faire un art qui se veut populaire, très politique, donc qui sort de l'académisme, on va dire, même si au XXe siècle, c'est pas forcément un mot qu'on utilise beaucoup, mais en tout cas, qui veulent partir de la toile un peu. Ils restent quand même des fois sur de l'huile sur toile, mais sinon pas mal sur des banderoles ou des affiches qui avaient pour but d'être installées dans un contexte politique, donc souvent des manifestations ou des fêtes de partis ou des choses comme ça. Ce qui fait que certaines de ces œuvres-là sont perdues et détruites parce qu'elles n'avaient pas vocation à rester. Elles avaient vocation à être utilisées une fois, ensuite, ou rangées quelque part, mais moi, je n'aurais sûrement jamais accès. Et je me demandais aussi, pourquoi tu as choisi précisément 1969? Enfin, tu as dit que c'était du coup par rapport à mai 68, mais est-ce que tu as été limité à choisir qu'une seule année? Parce que tu as dit qu'il y avait plusieurs éditions du Salon de la Jeune Peinture. Est-ce que tu aurais voulu agrandir à plus de Salon de la Jeune Peinture? En fait, mon sujet, il est de 68 à 76. Donc je travaille vraiment sur fin des années 60 et bien jusqu'au milieu des années 70. 69, c'est en fait une année que je trouve particulièrement intéressante puisqu'on est au lendemain de mai 68. J'ai parlé tout à l'heure du retour à la normale, donc on a l'impression que tout s'est calmé alors qu'en fait, les artistes sur lesquels je travaille vont continuer à présenter des œuvres hyper, hyper engagées. comme si la lutte n'avait pas, s'était pas éteinte, en fait, finalement. Mais en fait, tout au long des années 70, il y a d'autres groupes qui vont se créer, d'autres collectifs et d'autres peintres qui vont se réunir autour d'une peinture politique. Donc, mai 68, c'est un point de départ, aussi parce que avant 68, il y a déjà des écrits qui ont été faits sur ce sujet-là. Donc, il y a déjà largement de chercheurs qui ont fait des, voilà, qui ont déjà travaillé sur ce sujet. Sur les années 70, un petit peu moins. Donc, c'est pour ça que j'ai pu me pencher là-dessus. Et sur après ta période, parce que du coup tu t'arrêtes à un moment donné. Est-ce qu'il y a un Ouais. événement de fin d'ailleurs à ton sujet? Non, c'est plus pour une question pratique. Avec Ok. mon directeur de recherche, Thierry Logier, on a décidé de réduire la période chronologique pour éviter de trop s'étaler. Mais dans les années 80, ça continue. Il y a des collectifs qui persistent jusque dans les années 2000. Et il y a des groupes artistiques et politiques qui continuent à créer dans les années 80, et même encore aujourd'hui, sûrement. Après un an de recherche, est-ce qu'il y a des éléments qu'au début, tu n'avais pas vraiment identifiés comme étant vraiment importants et que maintenant c'est devenu plus important et que tu vas sûrement peut-être développer dans ta deuxième année? Ouais. Oui, en effet, c'est surtout après la soutenance du M1 qu'on nous donne aussi les pistes de ce que les profs attendent de nos recherches et ce qui leur paraît en tout cas intéressant à continuer de développer. Il y a notamment cette question de la non-signature, moi, que je vais continuer à approfondir. En 1968, en 1969, il y a des éditions du Salon de la Jeune Peinture où les œuvres ne sont pas signées, elles sont présentées comme un panorama d'œuvres politiques, et donc c'est le message politique qui prime avant la mise en avant d'un artiste, ce que les autres salons, je pense, ne font pas, et là c'est plus le message politique qui prime. Donc cette non-signature, je vais essayer de la développer, parce que aussi au XXe siècle, c'est une question qui se pose dans d'autres groupes et dans d'autres tendances artistiques, donc ça, je vais continuer là-dessus. Maintenant, je voulais savoir, vu que tu travailles sur la période contemporaine, comme les précédents intervenants, quel outil et source tu utilises toi le plus? Parce qu'il y a du coup, il y a beaucoup d'archives, j'imagine. C'est surtout des textes édités. Ça, c'est parce que j'ai la chance de travailler sur des collectifs d'artistes qui ont beaucoup théorisé leurs pratiques, et c'est sur ça surtout sur quoi se concentre ma recherche. Ils ont beaucoup édité d'ouvrages, ou alors ils ont publié des articles, créé des journaux aussi par eux-mêmes, ce qui me permet d'avoir beaucoup de textes écrits sur leur théorie. Et donc finalement, en tout cas pour le M1, qui me permettait surtout de me plonger, d'avoir un premier pas en tout cas dans le sujet, j'ai surtout abordé des textes écrits, déjà écrits. Ça, c'est plutôt une chance en vrai, Oui. d'avoir quelque chose de très clair et de Oui. pas avoir à fouiller dans des dossiers inarrêtables. Donc ça va. Tu t'es pas trop penché s'il y avait des écrits qui justement contredisaient ces collectifs. Parce que tu as beaucoup travaillé du coup sur les écrits des collectifs et t'as pas trop vu s'il y avait des écrits contre. Ben, en fait, c'est quelque chose que je pourrais approfondir. En fait, ça va être surtout des critiques d'art qui vont, de leur côté, prouver que les artistes sur lesquels je travaille n'avaient pas la bonne vision de l'art, en fait, tout simplement. C'est le jeu de la critique, des critiques d'art. Comme les critiques d'art dans ces années-là sont très importants et qu'il y en a qui font partie du Salon de la Jeune Peinture, d'autres qui n'en font pas partie, d'autres qui sont plus proches des autres grands salons ou des grandes institutions, ben, il y a des choses qui vont se confronter. Mais le sujet de la réception de mes œuvres, elle est peu abordée dans mon mémoire, et notamment la réception populaire. Ça, c'est une grande question que, effectivement, je pourrais peut-être aborder là, en deuxième année. C'est que pour des œuvres qui veulent parler à toute la population, dans cet idéal communiste d'un art pour le peuple, avec le peuple. Mais finalement, j'ai très peu de ressources qui me permettent de savoir comment la population a réceptionné ces œuvres-là. Et donc, c'est plutôt les artistes qui écrivent eux-mêmes sur leurs œuvres en disant « c'était super cette œuvre, on a vraiment bien travaillé ». Par contre, la population à côté, je ne sais pas exactement. Ça, c'est encore une grande question. Pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce sujet et qui aimerait s'y intéresser, est-ce que tu as des ouvrages, enfin du coup tu as parlé de l'exposition que tu avais vue peut-être, mais est-ce que tu as d'autres recommandations, des documentaires, des Eh expositions? bien, en tout cas, sur la question de mai 68, il y a tellement d'ouvrages qui ont été écrits, beaucoup, beaucoup d'historiens ont travaillé dessus. Et sur la question plutôt artistique, et sur les années 70, moi, je conseille un catalogue d'exposition de 2014, il me semble, qui a été écrit par le musée de Dole, qui a une grande collection d'un groupe qui s'appelle la Coopérative des Malassis, qui fait aussi partie des artistes importants de mon travail que j'entreprends. Et donc, c'était une grande exposition rétrospective de leur travail, plein de peintures qu'ils ont créées collectivement. Et en fait, même si c'est une monographie, ce qui peut paraître un peu spécial sur le sujet, puisque normalement on est face à des peintres qui sont anti-individualistes, bah finalement on a quand même des monographies qui sont créées aujourd'hui. Mais en fait, le catalogue d'exposition propose quand même tout un panorama de ce qu'était la peinture figurative et politique dans les années 70. Donc je trouve que c'est une belle première entrée en matière. Et pour finir un petit peu, si tu pouvais choisir une œuvre phare pour représenter son sujet, laquelle ce serait? Qu'est-ce qu'elle raconte de ton sujet et pourquoi elle plus qu'une autre? Moi, j'avais pensé à une œuvre qui est plutôt à la fin des bornes chronologiques dont on a parlé, qui date donc de 1976, et qui a été créée par le collectif antifasciste, qui est un collectif qui émane directement du Salon de la Jeune Peinture. C'est des artistes qui ont toujours fait partie, mais qui ont décidé de faire un petit groupe annexe autour des questions antifascistes. Et donc, ce collectif a créé plusieurs œuvres qui n'étaient pas des huiles sur toile, et qui n'étaient pas présentées dans des salons ou dans des lieux d'exposition, mais qui prenaient place dans la rue ou dans, comme j'ai dit tout à l'heure, dans des fêtes de partis. Et donc, ils avaient créé une grande banderole sur la construction du Centre Pompidou, qu'on appelait d'abord à l'époque juste Beaubourg. La construction de Beaubourg, elle a fait couler beaucoup d'encre de la part des artistes de mon corpus, puisqu'ils avaient l'impression qu'il y avait la construction d'un temple de l'individualisme artistique et que c'était construit sans être, sans la concertation des artistes, que c'était juste une élite politique et culturelle qui construisait un nouveau lieu qui ferait plaisir au marché de l'art et tout ça. Donc il y avait plein de questions comme ça. Aujourd'hui, c'est plus trop comme ça qu'on voit le Centre Pompidou, je trouve. Et pourtant, à l'époque, la construction a fait quand même couler beaucoup d'encre, pas que sur l'architecture, mais aussi sur le rôle du lieu. Donc ils ont fait une grande banderole qui représente l'architecture de Beaubourg avec des drapeaux rouges qui appellent évidemment le communisme et des figures comme ça importantes de la construction. Et ils ont emporté cette banderole dans une manifestation qui, il me semble, était la manifestation du 1er mai, donc la fête des travailleurs. Rien à voir avec une fête culturelle, mais donc ils ont revendiqué le rôle de l'artiste dans des constructions de lieux et des constructions culturelles. Je trouve que ça résume bien l'enjeu du sujet. Merci, parce qu'en plus c'est étonnant, parce que c'est vrai que maintenant le Centre Pompidou, il a plus justement cette vision d'un centre d'art contemporain, justement, plutôt que de s'opposer aux artistes qui étaient contemporains. Quels sont les enjeux pour toi de ton sujet? Pourquoi c'est important aujourd'hui de revenir sur cette période-là? Pourquoi tu as voulu remettre ça en avant à travers ta recherche? Enfin, sur les enjeux contemporains, c'est un sujet qui est hyper récent. En fait, finalement, c'était il y a 50, 60 ans. Donc, les enjeux politiques, ils sont finalement presque les mêmes qu'aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse sur ce sujet, c'est de réécrire une histoire de l'art qui a été un peu oubliée. Et c'est ce que sur quoi les professeurs qui ont pu me suivre s'alignent aussi. Ils trouvent que c'est un sujet qui permet de redonner un petit peu d'images à des artistes qui n'ont pas pu intégrer les collections publiques, alors qu'ils n'ont pas pu, mais qui n'ont pas voulu les intégrer pour ne pas participer au marché de l'art ou ne pas participer aux grandes institutions qui leur paraissaient individualistes et capitalistes. Donc ça permet vraiment de redonner un peu de visibilité, pas forcément parce qu'ils en ont besoin, mais en tout cas pour intégrer un art plus populaire, plus politique dans ces grandes années 50, 60, 70 qui ont vu des grands artistes d'abstraction, d'art minimal et tout ça. Et donc, c'est des très grands artistes qu'on met souvent en avant, mais on oublie souvent certains artistes figuratifs et qui avaient plus l'intention de mettre leurs œuvres dans la rue plutôt que dans des galeries. Oui, bah oui, c'est vrai que c'est très important. L'histoire de l'art, on a l'impression que ça s'arrête, l'art contemporain, et de remettre en avant ces artistes politiques, ça les remet en tant qu'artistes et pas comme Comme manifestants, anecdote, quoi. ouais, c'est Oui, ça. voilà. Donc merci beaucoup Antonin pour Merci à toi. cet échange. On a vraiment pu découvrir avec toi ces années récentes et ça fait du bien dans l'histoire de l'art. C'était très intéressant d'avoir partagé ton expérience sur cette première année de master et on a hâte de voir dans un an ce que tu auras produit et qu'est-ce que tu auras abordé pendant ta deuxième année. Est-ce que tu as un mot à dire à la fin pour les auditeurs? Bah, tout simplement qu'il faut faire de sa recherche, en tout cas pour ceux qui écoutent ce podcast et qui souhaiteraient faire de la recherche par la suite ou qui sont en train de construire leur recherche, de trouver un sujet qui leur paraît intéressant, parce que c'est ça sur lequel on s'accroche le plus, de voir l'exercice du master et du mémoire comme un exercice et pas comme quelque chose qui définit toute sa vie, mais plutôt comme quelque chose qui nous intéresse. Merci beaucoup et je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode des coulisses de la recherche. Si le sujet vous a intéressé, gardez un œil sur les conférences de cette année ou de celles à venir organisées par l'association Athéna. C'est peut-être l'occasion de découvrir d'autres travaux passionnants et de plonger plus loin dans le monde de la recherche en histoire de l'art. Toutes les informations sont disponibles sur notre Instagram ou sur notre site www.athenasso.fr. À très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.